Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. Question 45. Du consentement au mariage. Si le consentement est la cause efficiente du mariage, nécessité des paroles, du consentement donné au futur, de l'absence du consentement intérieur, du consentement secret. 1. Le consentement est-il la cause efficiente du mariage? Il y a, dans tous les sacrements, une opération spirituelle produite par une opération sensible qui la signifie. Ainsi, dans le baptême, l'ablution de l'âme résulte de l'ablution du corps. Puisque le mariage renferme, comme sacrement, une union spirituelle, et, comme devoir à la fois naturel et civil, une union sensible, la puissance divine doit produire la première union au moyen de la seconde. Les unions qui résultent des contrats matériels s'établissant par le consentement mutuel des parties, il faut que l'union matrimoniale se forme aussi par le consentement des deux futurs époux. Note. La première cause des sacrements n'est autre que la vertu divine, qui s'en sert pour opérer notre salut. Les causes secondes ou instrumentales sont les opérations matérielles qui tirent leur efficacité de l'institution divine. Voilà comment le consentement est la cause efficiente du mariage. Fin de la note. 2. Faut-il que le consentement soit exprimé par des paroles? Le mariage est un sacrement, et tout sacrement veut un signe sensible, donc le consentement doit être exprimé par des paroles. Et, en effet, si l'union conjugale s'établit de la même manière que l'obligation des contrats matériels, qui n'ont de valeur que tant que les contractants se manifestent mutuellement leur volonté par des paroles. Il est nécessaire que le consentement y soit exprimé par des paroles dont l'énonciation sera pour ce sacrement ce qu'est pour le baptême l'ablution extérieure. Note. Les muets et les personnes qui ne parlent pas la même langue expriment leur consentement par des signes qui équivalent pour eux à des paroles. Fin de la note. 3. Le consentement exprimé par des paroles dites au futur produit-il le mariage? Non, il constitue seulement la promesse de mariage désignée sous le nom de fiançailles. 4. Le consentement exprimé au présent produit-il le mariage sans le consentement intérieur? Sans le consentement, dit Innocent III, aucune cérémonie ne peut produire l'union conjugale. Les paroles ne produisent pas plus le mariage sans le consentement intérieur que l'ablution extérieure donnée ou reçue sans intention ne confère le baptême. Note. Quoique, dans le fort contentieux, où l'Église juge d'après les preuves matérielles, on ne soit pas admis à faire valoir le défaut de consentement, le mariage n'en est pas moins nul en soi dès que le consentement a manqué. Celui qui désavouerait intérieurement les paroles que sa bouche prononce devrait ensuite donner son consentement. Il ne serait pas nécessaire qu'il revînt pour cela à l'Église, le pape Pie V l'a décidé. Fin de la note. 5. Le consentement donné secrètement par des paroles dites au présent produit-il le mariage? Que le consentement soit donné en public ou en secret, le sacrement de mariage existe. Il suffit, pour un sacrement, que la matière soit unie à la forme. Or, dans le mariage secret, il y a la matière voulue, c'est-à-dire les personnes habiles à contracter. Il y a aussi la forme voulue, à savoir, les paroles qui expriment le consentement au présent. Le mariage est donc valide, quoique les personnes qui omettent sans nécessité les cérémonies requises soient coupables d'un péché. Note. Ces sortes de mariages, appelés clandestins, sont défendus par l'Église à cause des dangers qui en résultent, mais, pour être illicites, ils n'en sont pas moins valides. Au temps de saint Thomas, il en était ainsi, comme le Concile de Trente lui-même l'a reconnu, mais l'Église, par l'organe de ce dernier concile, a non seulement prohibé de nouveau, mais annulé d'avance tout mariage qui, à l'avenir, se ferait clandestinement dans les pays où la publication de ce décret pourrait parvenir. Aussi, en France, où la publication en a été faite, les mariages clandestins n'ont aucune validité. Pour qu'un mariage ne soit pas nul par clandestinité, il faut qu'il soit célébré devant le curé de la paroisse où les parties contractantes ont leur domicile, et en présence de deux ou trois témoins. Fin de la note. Question 46. Du consentement confirmé par serment ou par des rapports charnels. Ni le serment ni les rapports charnels ne constituent un vrai mariage sans le consentement exprimé au présent. 1. Le consentement exprimé au futur et confirmé par serment produit-il le mariage ? Le serment ajouté à un consentement donné au futur n'empêche pas ce consentement de se rapporter à l'avenir, il ne produit pas le mariage. 2. Les rapports charnels unis à des paroles qui expriment un consentement pour l'avenir, produisent-ils le mariage ? Le pape Nicolas Ier, dans sa réponse aux Bulgares, dit « Si le consentement au mariage est manqué, les rapports charnels ne produisent pas le mariage. » Au fort ecclésiastique, ces rapports, quand ils sont postérieurs aux fiançailles, sont considérés comme produisant le mariage, parce qu'ils sont le signe extérieur d'un consentement, mais, dans le fort de la conscience, il n'en résulte rien, si le consentement intérieur a fait défaut. Note. Saint Thomas raisonne toujours dans la supposition que les mariages clandestins ne sont pas frappés de nullité. Cela se conçoit, il existait longtemps avant le décret du Concile de Trente qui les annule. Fin de la note. Question 47. Du consentement forcé et conditionnel. Que le consentement peut être forcé, de la crainte. Le consentement forcé ne produit pas le mariage. Du consentement conditionnel, un père peut-il contraindre ses enfants à se marier ? 1. Un consentement peut-il être forcé ? La coaction est de deux sortes. L'une impose une nécessité absolue, comme dans le mouvement imprimé à un corps. L'autre, nommée par le philosophe la violence mixte, peut seule se trouver dans le consentement, qui est un acte de la volonté. Quand le navigateur jette ses marchandises à la mer pour échapper au naufrage, il cède à cette seconde espèce de coaction ou de violence. Provenant de la crainte d'un danger, cette coaction se confond avec la crainte elle-même, et force d'une certaine manière la volonté. Le consentement forcé est donc possible. Il a lieu toutes les fois que, pour faire consentir quelqu'un, on a recours à la crainte, que les jurisconsultes définissent avec raison, un trouble de l'âme causé par un péril imminent ou futur. 2. La crainte agit-elle sur un homme ferme ? Abraham et Isaac, remarquables par leur constance, sont une preuve que la crainte peut agir sur des hommes fermes, elle leur fit dire que leurs épouses étaient leurs sœurs. Genèse 12 et 26. Est-il un homme sage, si ferme qu'il soit, qui ne jette ses marchandises à la mer pour éviter un naufrage ? Céder à la crainte, c'est simplement faire, pour éviter ce qui en est l'objet, une action que l'on ne ferait pas dans d'autres circonstances. Mais, remarquons-le, L'homme ferme diffère du faible sous deux rapports. D'abord, il prend conseil de la droite raison pour ce qu'il doit faire ou éviter, et de deux mots il choisit le moindre. On ne le verra pas, comme l'inconstant, commettre un péché par la crainte des maux corporels. Ensuite, il ne se laisse pas ébranler par de vaines craintes, et en cela il se distingue encore du pusillanime, qui, selon l'expression de l'Écriture, prend la fuite, lorsque personne ne le poursuit. Proverbe 28, 11. Note. Le péché étant le pire de tous les maux, l'homme fort ne le commet à quelque prix que ce soit, il préfère donner sa vie. Mais, parmi les dommages corporels, dont les uns sont plus grands et d'autres plus légers, la mort, les blessures, le déshonneur, l'esclavage, sont des maux qui peuvent le forcer à en endurer d'autres pour les éviter. Fin de la note. 3. Le consentement forcé empêche-t-il le mariage? Le mariage étant un lien perpétuel, ce qui répugne à la perpétuité l'empêche de se former. Or une crainte assez forte pour agir sur un homme ferme et contraire à la perpétuité d'un contrat, on peut sans cesse redemander sa propre liberté. Si donc la contrainte provenant de la crainte est capable d'agir sur un homme ferme, elle annule le mariage, autrement elle n'a pas cette puissance. On regarde comme ferme l'homme vertueux dont la conduite sert de mesure pour toutes les autres actions humaines. L'Église a très bien jugé qu'un consentement extorqué ne suffit pas pour le mariage. 4. Le consentement forcé produit-il le mariage, au moins du côté de celui qui a usé de contraintes? Le mariage est une relation qui ne saurait exister dans l'un des extrêmes sans se trouver dans l'autre. Il n'y a pas d'épouse sans mari, ni de mari sans épouse, comme il n'y a pas de mère sans enfant, ce qui fait dire vulgairement que le mariage n'est pas boiteux. Cela étant, le consentement forcé invalide le mariage chez les deux parties à la fois. 5. Le consentement conditionnel produit-il le mariage? Le mariage est un contrat, et dans tous les contrats l'obligation assumée sous condition existe lorsque la condition est remplie. Dans le cas posé, la condition se rapporte au présent ou au futur. Si elle se rapporte au présent, le mariage existe du moment qu'elle est remplie, pourvu qu'elle ne déroge pas à son essence, car une condition contraire aux biens qui lui sont propres l'invaliderait. Si elle se rapporte à l'avenir d'une façon contingente, il en faut raisonner comme du consentement donné par des paroles dites au futur, le mariage n'existe pas. 6. Les enfants peuvent-ils être obligés par leur père à contracter le mariage? Les pères ne sauraient contraindre leurs enfants à se marier, ils peuvent seulement les y engager pour des causes raisonnables, et alors les enfants leur doivent l'obéissance suivant la valeur de ces raisons. Si ces causes imposent une nécessité ou une obligation d'honnêteté, l'ordre du père a la même puissance, sans aller au-delà. Note. Saint Paul, en disant, « Enfants, obéissez en tout à vos parents », Colossiens 3:20, « Ne parlez pas des choses où les enfants sont libres d'eux-mêmes, aussi bien que les parents, et tel est le mariage, par lequel le fils devient père à son tour. » Question 48. De l'objet du consentement. Quel est l'objet du consentement? Du consentement donné pour une cause inconvenante. 1. Le consentement qui produit le mariage a-t-il pour objet l'usage même du mariage? Le consentement se rapporte implicitement à l'union charnelle, mais ce qui produit proprement le mariage, c'est le consentement au mariage même, d'où provient le pouvoir d'en user. 2. Le consentement donné pour une cause inconvenante produit-il le mariage? Si quelqu'un baptise dans une intention lucrative, le baptême est valide. De même, une personne se marie-t-elle pour quelques gains, le mariage est réel. Le mariage a une fin essentielle et plusieurs fins accidentelles. Sa fin essentielle est la génération des enfants et la préservation de la fornication. Cette fin est toujours bonne. Ces fins accidentelles consistent dans les desseins de ceux qui le contractent. Une chose antérieure n'étant point changée par celle qui vient après, le mariage, considéré dans sa nature, ne tire de ses fins ni bonté, ni malice. Elle rend seulement les contractants bons ou mauvais. Note. On contracte mariage toutes les fois que l'on a l'intention de faire un vrai contrat, bien que l'on ne se propose pas la fin que l'Église a en vue. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.